Ah. Lise, je t'en prie, tu te dessines une histoire qui ne tient pas debout. Rien n'est fait, yeah. Rien n'est écrit. Tu doutes, je t'écoute comme un ange sur ta route. Je sais qu'un jour viendra, qu'un jour viendra où l'on sera fier de nous. Tu grimaces car ça t'angoisse d'être à l'heure au rendez-vous. Ça t'agace quand je ressasse ces inepties entre nous. Rien ne change, rien ne bouge. Mais dis-moi à quoi tu joues. Tu ne sais jamais, tu ne veux jamais, tu ne veux pas en voir le bout. Rien ne change, rien ne jamais, tu ne veux pas en voir le goût.